ça. Sourire de l'homme, oh, sourire de l'homme, enlève. Thank you. le temps que l'eau se porte, se couvrons ce lilas. Le soleil s'endort sur ses chaînes, le sable et l'aurore. Fleur de Seine, attends-moi, je sors de l'île. L'océan, l'orage et l'eau pour ses perles. I need you so. Le roi du poisson. Ah, ok. son, le roi du poisson. I am the king of fish. Thank you. Thank you. Shaila Dalatia. gay. Non, c'est pas des homosexuels, au contraire, il y a plein de gonzesses, la délégation. Phil balance un riff. Thank you. C'est sympa pour boire une coupe de champagne et discuter. Après, c'est de la musique. Ouais, voilà. Non, mais c'est super.